Là, c'est bon? Ouais. Ben voilà, ce sera donc les premiers mots. La séance est ouverte. Donc, ça consiste à aborder le spectacle, avant tout, comme croisement ou comme produit de plusieurs arts. Voilà, musique, peinture, danse, etc. Mais aussi de plusieurs pratiques et de plusieurs techniques qui ont chacune leur protocole de fonctionnement et qui rentrent dans la réalité de ce qu'est le spectacle. C'est ce qu'on a vu notamment tout récemment dans le colloque La scène en version originale, qui était organisé par Julie Vatin et Georges Forestier pour le prix TEPS, ici, où on s'était interrogé notamment, par exemple, sur le statut de, qui était très particulier, des artistes, auteurs, artisans, techniciens, qui s'occupaient, par exemple, du surtitrage des spectacles, qui sont à la fois dedans et dehors, en fait. Puisqu'ils participent à la conception, à la réalisation, parfois même comme techniciens. Donc ils peuvent être considérés comme des auxiliaires de réalisation, mais en même temps, ils participent absolument à la composition du spectacle et à ce qu'il est. Donc ça, c'est le premier axe de recherche sur lequel je reviendrai dans un instant, surtout qu'il est au centre des préoccupations de plusieurs d'entre nous, qui travaillons sur des formes de théâtre baroque ou classique qui sont très fortement marquées non seulement par les pratiques sociales, politiques dans lesquelles elles s'inscrivaient, donc je pense évidemment au spectacle de cour, à l'ensemble des mises en scène, par exemple du pouvoir comme spectacle, dans lequel le théâtre lui-même est intervenu et dont il s'est dissocié souvent, mais je pense aussi aux différentes formes de théâtralité non textuelle qui y participent dans d'autres contextes et qui sont indissociables de l'essor du théâtre en Europe au XVIIe siècle. Les fêtes, les carnavals, les processions, les pageants, les célébrations religieuses, dans le cas par exemple des autodafés en Espagne, etc. Donc on reviendra sur tout ça. Mais on peut aussi s'interroger sur quelque chose d'assez différent, qui est la diversité non seulement des composants du spectacle, mais aussi des supports sur lesquels il va être enregistré, déployé, diffusé, et puis archivé. Donc les supports manuscrits, imprimés bien sûr dans le cas de la transmission du texte, mais aussi les affiches, les gravures, les peintures, les partitions, et puis plus tard les enregistrements vidéo, cinéma, les photos de plateau, les captations, y compris d'ailleurs lorsque une partie de ces supports-là, de ces supports de diffusion ou de déploiement, sont immatériels. Quand c'est de la tradition, de la transmission orale, ou quand ils sont instables ou éphémères. Par exemple, quand on travaille sur le théâtre au XVIIe, on sait à quel point la conversation était importante dans la critique dramatique au XVIIe siècle. C'est le cas aujourd'hui aussi, par exemple, des réseaux sociaux. De l'image qu'on donne d'un spectacle, quand elle est diffusée sur des réseaux sociaux. On sait le rôle que ça a dans les polémiques. Donc, ça, c'est un peu un second axe, s'interroger sur la diversité des traces documentaires que produit ou ne produit pas, d'ailleurs, le spectacle, comme objet d'archives, bien sûr, mais aussi comme un produit culturel qui fait l'objet d'une diffusion. Donc, en fait, de quelque chose qu'il faut bien considérer comme un second déploiement spectaculaire, comme une respectacularisation, si ça existe, puisque ça se transforme à nouveau en image ou en système d'image. C'est une question qui est posée, bien sûr, en France en particulier, par ce qu'on appelle ici le théâtre vivant, le spectacle vivant. Comment on se souvient d'un spectacle, comment il se perpétue ou comment il organise sa diffusion dans les traces qu'il va laisser, en particulier sur Internet, d'ailleurs, maintenant. Qu'est-ce qui reste? On s'était demandé ça lors du colloque sur Dario Fo. De spectacles, d'improvisation réglée du type de la pratique de Dario Fo et de Franck Aram, puisque c'est une composition de textes publiés, de captations, de films réalisés ou dérivés des spectacles. C'est le cas aussi pour Mnouchkine, Peter Brook, pour beaucoup de metteurs en scène, qui filment eux-mêmes ce qu'ils font. Donc c'est le biais d'ailleurs par lequel la réflexion qu'on voulait mener est aussi liée au LABEX, Hauteville, puisqu'il s'agit de se demander comment le spectacle construit sa valeur, aussi comment il construit son image à travers cette constellation de traces documentaires qu'il laisse sur plusieurs supports. Et puis, directement lié à ces deux premiers axes, je crois qu'il y en a un troisième qui consiste à aborder le spectacle comme objet critique, donc à considérer le théâtre comme étant quelque chose qui est au croisement de plusieurs discours, qui vont organiser aussi cette réalité comme l'objet de jugement, cette fois, et aussi comme un objet d'interprétation. Donc, en tant que tel, le théâtre est effectivement une réalité à prendre en perspective, puisque on peut se demander, du point de vue critique, ce qu'on interprète quand on interprète un spectacle. Déjà, dans quelle position on va mettre le texte, qui lui a servi de point de départ, quand il y en a un. Est-ce que la réalisation concrète du spectacle est à envisager d'abord par rapport à ce texte ? Dans ce cas, du coup, il faut d'abord interpréter et juger l'interprétation scénique qui a été faite de ce qu'on considérera comme une réalité première, qui était le texte. Et puis c'est aussi cette dimension critique, évidemment, qui organise la vie publique du spectacle par la suite, dans les réécritures, les imitations, les réinterprétations, les déformations, les spin-offs, etc., auxquels ça peut donner lieu par la suite. Donc, à partir de ces trois, voilà, de ces trois directions, il y en a peut-être d'autres, on va peut-être en trouver d'autres, je voudrais proposer peut-être quelques remarques ou quelques pistes un peu rapides, avant de céder la parole aux intervenants. Quelques remarques qui portent en fait sur ce qui se passerait dans l'articulation de ces trois axes, de ces différentes façons d'envisager le spectacle comme une chose hybride, non pas comme une image, mais comme un objet en perspective. Il n'est pas inutile de souligner justement que ce n'est pas forcément une évidence, déjà, et qu'au contraire, l'histoire du théâtre, ou plutôt l'histoire de l'histoire du théâtre, elle est faite justement de moments où on a privilégié, pour pouvoir comprendre, mais aussi pour pouvoir classer et juger et contrôler les spectacles, où on a privilégié une des dimensions du spectacle. C'est le cas particulièrement, bien sûr, pour le texte, dans la tradition universitaire républicaine d'enseignement des classiques, qui hérite là-dessus du fameux geste aristotélicien qui déléguait le spectacle, l'opsis, au choreute, en déclarant qu'il n'était pas de la compétence du poète. Mais c'est aussi vrai des périodes pendant lesquelles on a au contraire privilégié ce qu'on appelait les machines, ou la machinerie, dans le cas de l'importation par exemple en France d'un modèle de spectacle qui était le produit de l'art des ingénieurs de théâtre italiens, ou encore lorsqu'on a privilégié le jeu d'acteur, la mise en scène, ou le dispositif visuel, ou la scénographie arrangée par ce qu'on a appelé au XXe siècle un dramaturge. Or, il me semble qu'à chaque fois qu'on choisit justement d'aborder le spectacle plutôt sous l'un de ces angles, surtout bien sûr quand ça conduit à disqualifier les autres, ou à les exclure du sens, donc à réduire l'identité du spectacle, l'essence du théâtre, comme disait Henri Gouillet dans les années 40, réduire le spectacle à une de ces dimensions, c'est avant tout une opération de classification, en fait, qui intéresse la façon dont on va créer une image du spectacle. Et c'est aussi le résultat, troisième axe en fait, d'une posture critique qui permet d'interpréter, qui permet de juger les œuvres, de leur assigner une place dans une culture, un rôle dans la représentation qu'une société se fait d'elle-même et du discours qu'elle tient sur elle-même. Alors une première remarque sur la forme que ça peut prendre, cette réduction du spectacle à une de ses dimensions, c'est le cas que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui de la promotion du texte par rapport à la mise en spectacle. Ce qui est d'autant plus intéressant que l'histoire de l'émergence de la mise en scène au XXe siècle, très commentée comme forme d'art à part entière, découle directement, en partie au moins, de ce primat du texte. Une partie de l'histoire de ce qu'on appelle la dramaturgie en vient aussi. Alors cette position privilégiée qui est accordée au texte de théâtre, elle s'impose, tout le monde le sait, d'abord comme un schème critique, qui a été essentiel dans la construction de l'idée d'un théâtre classique, dans la réunion d'un canon d'œuvre, à partir justement d'une mise en avant du texte, par rapport non seulement à l'ensemble des métiers de la scène, c'est-à-dire des techniques qui sont engagées dans la production concrète des spectacles, depuis les machines jusqu'au jeu d'acteur, en passant par la peinture, la danse, la musique, l'art du costume, etc., mais aussi par rapport aux dispositifs socio-culturels et poétiques dans lesquels s'inscrit le spectacle, depuis le rituel religieux, donc jusqu'au spectacle de cour dont je parlais tout à l'heure, les entrées royales, les masques en Angleterre, etc. Ce qui est bien ce que reprochait Florence Dupont à cette tradition aristotélicienne de primat donnée à la construction des fictions sur la fonction anthropologique, rituelle, festive, etc. du théâtre. Mais ça rejoint aussi, comme le montrait récemment Tiphaine Carcinti à propos de l'ouvrage d'Isabelle Berberis, c'est aussi le principe, je crois, du propos de Gérard Noiriel dans « Histoire, théâtre et politique », qui était sorti en 2009, et qui dénonçait ce divorce entre théâtre et sciences sociales, cette fois, et donc la perte de cette finalité ou de cette vocation éducative du drame. Alors, comme le montre bien Isabelle Barbéris, en concentrant en fait leur approche sur une défense de l'hétéronomie du spectacle, définie alors soit comme un rituel à vocation identitaire pour Florence Dupont, soit comme un outil d'instruction qui visait une action sur le monde, ils prennent le risque d'appeler paradoxalement à sa disparition. C'est une analyse que faisait notamment Tiphaine Carcinti à propos du livre d'Isabelle Barbéris. Donc dans ces approches, le théâtre apparaît comme une médiation qui tend vers son propre épuisement, justement. C'est pas un hasard si la promotion du texte, elle est en elle-même liée à une façon de construire l'objet spectacle dans la mémoire, c'est-à-dire à le pérenniser comme objet en le débarrassant de ce qui entre, alors d'éphémère d'un côté, la voix par exemple, ou d'instable, les conditions d'une représentation à l'intérieur de cet objet-là. Et puis surtout, ça permet de construire un objet de jugement et d'interprétation, puisque ça ramène le spectacle dans un univers intratextuel, dans lequel on peut gérer la complexité, la polysémie du texte de théâtre, sa richesse de sens, etc. Elle peut être prise en charge à ce moment-là par une herméneutique, tout simplement, par, au même titre que n'importe quel objet de discours, en fait. Alors, ce qu'il y a, c'est que, comme l'a bien montré, justement, l'histoire de la mise en scène au siècle dernier, la réduction au texte, en fait, c'est pas la seule forme possible de prise en charge un peu unidimensionnelle du spectacle. Et la crise que traverse en ce moment la mise en scène, après plus d'un siècle de règne donc, sur la définition du spectacle, et en particulier du spectacle théâtral, cette ère post-dramatique dans laquelle on serait entré maintenant, c'est un phénomène qui est très intéressant de ce point de vue-là, puisque ça montre comment cette rhétorique professionnelle qui a permis la promotion du métier de metteur en scène et la constitution de la mise en scène comme art, elle se fonde aussi sur une séparation au moins théorique des réalités qui participent à la représentation. Principe qui est lancé en 1903 par la définition que donnait Antoine de la mise en scène comme une besogne. Donc, je cite le propos d'Antoine que tout le monde connaît. Donc, il y a deux parties. Il y a une partie toute matérielle, la constitution du décor servant de milieu à l'action, le dessin, le groupement des personnages, et de l'autre côté, une partie immatérielle, c'est-à-dire l'interprétation et le mouvement du dialogue. Donc, séparation qui va commander une distinction entre le metteur en scène, créateur, et le régisseur, en fait, qui relève de la technique et du savoir-faire. Alors, il y a un numéro donc très intéressant de la revue Critique qui revenait récemment sur le sens de cette séparation, qui était consacré à la crise dans laquelle serait entrée cette ère de la mise en scène. Et alors Christian Bié soulignait par exemple le fait que Antoine bien sûr n'avait pas inventé cette distinction, qui était déjà en germe par exemple dans la rivalité entre les auteurs metteurs en scène et les acteurs metteurs en scène. Donc d'un côté Racine, Voltaire, Diderot, Goethe, Alfieri, etc. ou Dumas. De l'autre côté les acteurs metteurs en scène, Riccoboni, Lequin, Talma, etc. Donc il s'appuie sur deux collectifs consacré l'un aux formes de la mise en scène antérieure à 1880, qui a été dirigé par Pierre Frantz, qui s'appelait la fabrique du théâtre avant la mise en scène, auquel a contribué Sophie Marchand, notamment. Elle n'est peut-être pas toute seule ici d'ailleurs, enfin en tout cas il y a elle au moins. Et donc, il soulignait que l'activité du metteur en scène moderne, telle que l'a définie Antoine, qui organisait autour de l'idée de reconstitution sur scène d'un milieu, de ce qu'il appelait un milieu, le monde dans lequel font sens et sont vraisemblables les actions des personnages, dans cette séparation, il s'agit bien avant tout de mettre le matériel au centre de tout et d'en faire, je cite Bié, le document présent, socialisé, historicisé, le lieu duquel proviennent la totalité des objets, la totalité des personnages, la totalité des conduites, donc en fait l'immatériel. Car, comme le dit Antoine, donc, c'est le milieu qui détermine le mouvement des personnages et non les mouvements des personnages qui déterminent le milieu. Donc, c'est en faisant ça, finalement, que la mise en scène devient dominante, puisqu'elle devient une instance d'interprétation, et qu'elle contrôle, selon l'analyse de Christian Bié, le lieu autant que le sens, le lieu théâtral comme lieu du sens. Il conclut donc, le metteur en scène peut être celui qui se désigne comme n'étant ni auteur ni comédien, ni directeur de salle ni technicien, mais qui sait faire disposer par d'autres les indices, les signes, les énigmes, etc., pour les spectateurs qui doivent les déchiffrer. Donc là encore, il s'agit d'une question d'herméneutique et on voit bien comment, dans le cas de la promotion de la mise en scène, on retrouve comme ça le fait de séparer des autres une instance qui va être responsable de la production des signes, comme c'était le cas dans le cadre de la promotion du texte. Et cette séparation est a priori fondée sur une description de ce qu'est, de ce que doit être la réalité du spectacle au moment où il a lieu, mais elle engage aussi une proposition critique sur la façon dont on peut enregistrer, transmettre et juger les spectacles. Alors je vais terminer, pour pas que ce soit trop long, par une petite réflexion, une dernière réflexion qui est peut-être un peu plus liée à une approche sociologique, si on peut dire, de cette dimension nécessairement multiple du spectacle, et qui tourne cette fois autour de la notion de spectacle vivant, donc qui a émergé dans les années 90, notamment à partir de la définition juridique française du spectacle vivant, qu'on peut rappeler. Le spectacle vivant, il est défini juridiquement par la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération lors de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit. Donc ça comprend, à côté du théâtre, explicitement, la danse, les arts du cirque, les arts de la rue, les arts de la marionnette, l'opéra et la musique live. Sont dispensés, si je me souviens bien, de réclamer une autorisation, les spectacles réalisés, j'avais noté ça, pour répondre aux besoins du culte, les spectacles de soutien à une œuvre sociale, éducative, culturelle et sportive, les spectacles de soutien organisés à leur profit exclusif par des associations, etc., et les spectacles organisés par des comités des fêtes, avec à l'occasion de festivités traditionnelles, entre parenthèses, 1er mai, arbre de Noël, 14 juillet, etc., qui n'ont pas à demander de dispense. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ils ont pas demandé, plus exactement, ils sont dispensés de demander une licence. Donc c'est des spectacles vivants, mais enfin vivants d'une vie particulière, quoi, voilà. Donc, ce qui est intéressant évidemment là-dedans, c'est que cette notion de spectacle vivant, on sait très bien qu'elle a été déterminante dans les grands débats qui ont accompagné les conflits de politique culturelle récents, dans les actions menées par les intermittents du spectacle, et qui ont interrogé la mise en danger et peut-être la disparition du théâtre de l'espace culturel français. Je pense par exemple à la réflexion de Denis Guénoun dans « Le théâtre est-il nécessaire ?», qui date déjà de 97. Donc c'est pour ça que la dernière remarque que je voudrais consacrer, très courte, serait à la critique qui me paraît très intéressante, qui avait proposé en 98 un philosophe comme Jean-Marc Le Verrato, de l'image du spectacle comme construction sociale dans la rhétorique professionnelle des artistes. Parce qu'il me semble que l'examen qu'il fait de la façon dont les artistes, non seulement dans le discours sur le spectacle, mais aussi dans le discours sur la peinture, par exemple, utilisent et commentent la notion de spectacle, la façon dont ils construisent l'image de ce qu'est le spectacle par rapport à l'art, elle peut être intéressante quand on essaie d'en le mettre en perspective, justement. Quand on essaie de penser ensemble les différentes dimensions du théâtre comme spectacle, et en particulier l'articulation de la technique et de l'art, et de la machine et du vivant. La réflexion de Jean-Marc Le Verrato, elle consiste à essayer d'interroger, je résume très vite pour pas que ça prenne trop de temps, les conséquences dans le discours que tiennent les artistes sur eux-mêmes, sur leur travail, un discours politique, bien sûr, un discours de défense d'une pratique essentielle à la civilisation menacée par les formes industrielles du spectacle. Donc les conséquences de la séparation radicale entre la technique et l'art, séparation qui accompagne cette fois la promotion du vivant au centre de l'œuvre d'art, et en particulier du théâtre, par le biais notamment de la posture comme ça d'engagement personnel, corporel, de l'artiste qui répond de son œuvre en se mettant au centre du dispositif. Position qu'il illustre notamment en rapprochant comme ça plusieurs résurgences ou plusieurs occasions où s'est tenu comme ça ce discours antimécaniste, un discours antimécaniste, notamment par exemple dans les propos d'un peintre comme Raphaël Mengs au XVIIIe siècle, qualifiant l'œuvre des peintres baroques d'arte di meccanisti, ou encore dans les différentes étapes de l'opposition rencontrée en France par la politique d'importation des opéras à machines florentins par Mazarin, et puis dans la querelle des bouffons qui oppose dans les années 1750 les partisans de la tragédie lyrique à la française, à l'opéra bouffe à l'italienne. Et puis aussi, de façon peut-être plus directement évocatrice, dans l'opposition très forte qui avait été manifestée entre les deux guerres en France, notamment au lendemain de l'invention du cinéma parlant, entre ce que les comédiens du français Béatrice Dussane en tête avait appelé le théâtre mécanique, c'est-à-dire le cinéma américain, conçu comme une machine industrielle qui réduit l'acteur à un outil, à une machine à dire des paroles, et ce qu'elle appelle le théâtre humain, en 31 donc, qui se nourrit des actions, de la vie corporelle de l'acteur sur scène, et de l'interaction entre ce qui se passe sur scène, les décors, les images, la musique, etc. Donc c'est une opposition qui procède de la même logique que celle que constate par exemple Bruno Latour quand il parle du banc sur l'hybridité de l'œuvre d'art dont dépendrait la pensée du spectacle théâtral et pictural dans la constitution moderne de l'art. Cette opposition-là, c'est aussi celle qui fonde l'opposition traditionnelle, par exemple chez un historien de la musique comme Vuillermoz, que cite Le Verato, lorsqu'en 49 il oppose la valeur intrinsèque, du spectacle vivant comme réalité organique, incontestable, perçue par les sens des spectateurs, et la reconstruction intellectuelle abstraite d'un fantôme textuel, comme ça, par ce qu'il appelle la République des professeurs, donc privée de la sensibilité nécessaire à cette perception organique d'une réalité vivante. Quoi. Alors, les deux discours, finalement, promotion du texte d'un côté, promotion du vivant de l'autre, ils se reflètent d'une certaine manière, puisqu'ils partent tous les deux d'un refus de l'hybridité du spectacle. Et Le Verato donne une illustration très parlante, il me semble, de ce à quoi conduit ces tentatives d'isoler le spectacle de sa dimension technique ou de sa dimension textuelle, quand il cite une très belle formule, un très beau texte de Louis Jouvet, qui introduisait en 43 l'ouvrage, donc 43, on est en plein la France de Vichy, l'ouvrage d'Henri Gouillet sur l'essence, qui s'appelait « L'essence du théâtre ». Alors j'en lis un petit extrait, parce que c'est très évocateur. Pour bien comprendre une pièce de théâtre, il faut la replacer dans son époque, dans sa manière, dans sa mode. Et Louis Jouvet commente, « Mais plus que le jeu des acteurs, que la masse et l'âme du public, il importe à qui veut la ressusciter d'évoquer l'air, A-I-R-E, où se cristallisa la forme de son impulsion. » Ça nous invite à replacer, dit-il, les formes dramatiques dans l'ordre des faits naturels, à créer une sorte de biologie théâtrale destinée à éclairer les lois qui régissent leur économie. Dans la ressuscitation d'une esthétique dramatique, le verbe peut nous égarer, non l'édifice. Il dit strictement et complètement ce qu'il a à dire. C'est pourquoi je rêve parfois que, à l'instar de Cuvier, je pourrais étudier l'art théâtral à partir de son architecture, retrouver la fonction échilienne grâce au squelette de Dionysos ou d'Épidore, celle de Shakespeare, ça c'est très beau, dans les traces de cet animal disparu qui était le théâtre du globe, celle de Molière dans ce Versailles où il fut joué, bref, faire jaillir d'une pierre comme d'une vertèbre le grand corps vivant d'un mystère passé. Alors c'est très beau, c'est admirable, comme but magique, comme ça, qu'on aurait envie de se proposer tous quand on travaille sur des formes anciennes de théâtre, ressusciter la chose à partir du lieu de l'édifice et tout. Alors le problème, évidemment, c'est que cette métaphore biologique en 43, elle permettait d'abord de présenter l'essence du théâtre dans un langage conforme à ce qu'était la politique culturelle de Vichy, bien sûr, et en particulier, c'est un propos qui va nous intéresser dans les séances suivantes, dans la mesure où ça repose sur l'idée de génie national, de culture propre à chaque peuple, par opposition à l'idée de progrès défendue par les Lumières. Mais surtout, il me semble, et je vais terminer là-dessus, que ce qui est important ici, c'est d'abord le fait que l'on sépare, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit pour assurer la promotion de l'un ou de l'autre, les types de signes qui concourent à la construction d'une représentation artistique, c'est-à-dire au fait que le spectacle existe en perspective. C'est pour ça que cette critique du spectacle comme image par Jean-Marc Le Verato, elle me paraît intéressante, parce que quand on se détourne de son hybridité, que ce soit parce qu'on la refuse, comme dans le cas du discours anti-technique, anti-mécanique sur l'art, hein, ou simplement dans le cadre d'un discours très légitime de défense du théâtre comme art menacé par l'hégémonie du spectaculaire industriel. Dans les deux cas, est-ce qu'on peut vraiment penser le théâtre, se demande Le Verato, sans tenir compte du corps qui nous permet de ressentir, mais aussi de juger le sens du spectacle ? Même refuser le spectacle et le spectaculaire, ça exige, c'est ce que montrait cette réflexion, qu'on prenne au sérieux sa réalité sociale, technique, en tant qu'elle se déploie dans l'histoire, en tant qu'elle se déploie dans l'espace aussi, par la constitution du spectacle en objet de mémoire, et puis aussi telle qu'elle se déploie à un moment donné, aujourd'hui, comme ça, comme objet culturel, au croisement de plusieurs pratiques. Voilà, c'est les quelques petites remarques que je voulais faire. Comment commence-t-on ? Qui aurait envie de prendre la parole, le premier, la première ? Le plus jeune. L'autre. Moi, je veux bien parler. Vas-y, Sarah. Voilà. Donc, je suis Sarah Nancy. J'en ai oublié de prendre mes notes parce que j'étais encore dans ce que tu disais. Donc, je te remercie beaucoup, Anne, de m'avoir invitée à cette séance d'ouverture. Et puis, plus généralement, je remercie tout... Absolument. Comme ça. Donc, plus généralement, je remercie tous les acteurs de ce projet du Prix TEPS, de ce séminaire interdisciplinaire, dont je trouve le projet vraiment passionnant. Le sujet m'a particulièrement plu, donc je vais essayer de dire pourquoi il m'a plu, pourquoi je l'ai trouvé original et excitant. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont tu as présenté, dont tu as défini d'abord la façon dont vous entendiez le spectacle en perspective, n'est pas exactement celle à laquelle j'avais pensé, mais on y revient, donc je terminerai par là. En lisant votre présentation, pour ma part, j'ai entendu deux questions, ou plutôt deux ensembles de questions. La première, plutôt le premier ensemble, sous quelle perspective pouvons-nous considérer le spectacle ? Comment s'y prendre ? Quel éclairage porter sur lui pour en rendre compte ? Avec quels outils ? Quelles méthodes ? Quelles disciplines ? Et deuxième question, deuxième ensemble de questions, ce faisant, quel objet d'étude construisons-nous ? Que voulons-nous montrer du spectacle en l'étudiant de cette manière ? Quelle identité lui donnons-nous ? Et pour reprendre donc le terme du second intitulé du séminaire, c'est-à-dire quelle identité, moi je l'ai compris comme ça, qu'affirmons-nous sur lui, sur son fonctionnement, sur ses configurations, sur son utilité et sur sa valeur. Donc j'ai entendu comme ça deux questions, comment faire avec le spectacle, objet hybride, objet multiple, mais en faisant de la sorte... qu'est-ce qu'on construit ? Donc, en nous invitant à nous interroger sur le spectacle en perspective, vous nous invitez à interroger notre regard de sujet chercheur. Et c'est comme ça que je me le suis dit. On croit voir, tiens, un spectacle, passé, présent. Et donc, comme chercheur, on fait un spectacle, ça s'analyse comme ça. Et en fait, on regarde, on l'analyse depuis un point de vue. Et ce travail d'aller jusqu'au bout de l'interrogation sur notre point de vue, je le trouve très intéressant et finalement très peu commun, finalement assez rare. Et donc je trouvais que c'était une chance de pouvoir faire un séminaire qui amène les chercheurs à réfléchir sur leur regard avec des doctorants. Ça, je trouvais ça vraiment génial. Parce que très souvent, je caricature pas, c'est le « on voit ». Ah, il y a un spectacle, alors je vais l'analyser, il y a un truc, donc je vais l'éditer. Et puis soi-même, on ne se demande pas ce qu'on a construit comme objet avec le regard. Donc c'est un travail réflexif que vous nous invitez, un travail sur nos présupposés, nos enjeux, notre position quand nous cherchons. Et si ça me semble déterminant, c'est que c'est seulement quand on interroge ce regard qu'on peut arriver à une définition de l'objet qu'on regarde. Donc les deux questions que j'ai reformulées, qu'est-ce que je fais comme chercheuse face au spectacle ? Première question. Et qu'est-ce que je fais quand je fais ça ? Me semble seul pouvoir reconduire à ce qu'est le spectacle. Si on procède de la manière suivante, c'est qu'on suppose que le spectacle, c'est ça. Et quand on dit le spectacle, c'est ça, ce qui est important, enfin, on dit c'est important parce que c'est ça. On défend quelque chose, on défend une définition. Et donc, moi, je trouvais ça intéressant d'essayer de suivre ça parce que j'ai l'impression que quand je repense à la façon dont j'ai fait ma thèse, c'est des choses qu'on met du temps, en fait, à comprendre, non que ce soit compliqué, mais parce qu'en fait, on ne pense pas que c'est dans cette simplicité qu'on avance vraiment. Donc, quand on arrive à dire, je cherche de cette manière parce que je suppose que, je fais l'hypothèse que le spectacle, c'est ça. C'est important parce que c'est ça. Donc j'ai essayé de répondre à cette invitation en faisant retour sur mon propre travail et plus précisément sur un colloque dont j'ai le projet pour l'année prochaine. C'est un colloque que j'organise à Paris 3 en novembre 2013 avec Julia Grotte-Gasquet qui est pour elle-même maître de conférence en art du spectacle. en études théâtrales. Ce colloque portera sur la voix du public en France au XVIIe et au XVIIIe siècle. La voix du public, c'est-à-dire les manifestations sonores des spectateurs, donc, et ma propre voix, voilà, les manifestations sonores des spectateurs, aussi bien au théâtre parlé qu'au théâtre chanté ou pour les spectacles de danse. Donc, par exemple, nous partons à la recherche des témoignages d'applaudissements, de cris, de chuchotements, pour reprendre des termes chuchotements qui ont accueilli le devin de village, le brouhaha évoqué par Molière dans Les Précieuses Ridicules, le frémissement qui merveilleux qui parcourt l'assemblée devant les entretiens de Chimène et de Rodrigue. Donc, voilà, notre corpus, nous voudrions le constituer de toutes ces manifestations sonores, y compris les silences extatiques, extasiés, qui peuvent accompagner, enfin, répondre à certaines choses. La perspective que nous adoptons, c'est donc celle de la salle en relation avec la scène. Nous portons l'éclairage sur les spectateurs rassemblés en tant qu'ils peuvent exprimer, de manière sonore, une réaction au spectacle. Comment faire ? C'est ici que nous sommes confrontés à la variété des tâches et donc des compétences et à l'éventail des disciplines. D'abord se pose la question de l'oralité et de ses traces. Évidemment, il n'y a pas d'enregistrement. Aujourd'hui, par exemple, je sais que certains dramaturges ont travaillé sur la restitution dans le spectacle même des bruits de l'assistance. Donc c'est des choses qui peuvent intéresser aujourd'hui, mais évidemment au XVIIe, XVIIIe siècle, on n'a pas d'enregistrement. Donc il faut déjà se poser la question des traces. Est-ce que l'oralité laisse des traces ? Première question, il y a eu beaucoup de travaux sur l'oralité. Évidemment, on doit supposer qu'elle en laisse. Et on doit supposer, quand je dis on doit supposer, par exemple, on doit se sentir, moi-même je me sens animée par ce que défend Carlo Ginzburg, l'historien, dans son travail sur ce qu'on peut prétendre toucher du réel comme historien. On peut, en collectant les traces et en faisant le travail d'interprétation, prétendre toucher quelque chose du réel. Mais évidemment, il faut se demander où est le réel dans ces traces, dans les témoignages, et comment y accéder. Et cela suppose de constamment réfléchir à la valeur des représentations qui en sont données. Est-ce que les représentations qui en sont données, les témoignages textuels, sont des constats, des comptes rendus plus ou moins polémiques, ou des prescriptions, ou des fantasmes des auteurs ? Ils voudraient que l'assistance réagisse de telle ou telle manière à leurs œuvres. Donc le premier travail, ce n'est pas un mode d'emploi, mais cela dit, il y a quand même un parcours logique, je pense, dans ce travail. Mais un premier travail sera à faire sur le statut de ces traces. Ensuite, un autre travail, évidemment, serait de classer ces manifestations. Que faire avec ces manifestations ? Quelle typologie proposer ? On pourrait, par exemple, en se montrant sensible aux travaux des XVIIe et XVIIIe siècles sur la langue, faire un classement avec, aux deux pôles, l'articulé et le non-articulé, puisque c'est une question qui préoccupe beaucoup donc les théoriciens de la langue au XVIIe et au XVIIIe siècle, pour des raisons d'ailleurs différentes, mais c'est vraiment des critères qu'on le retrouve. On pourrait aussi, dans une perspective sociologique ou politique ou anthropologique, c'est selon, distinguer les expressions collectives des expressions individuelles. Enfin, on pourrait aussi, il y aurait d'autres typologies, et c'est à ça que nous invitons, on pourrait, toujours dans une perspective soit sociologique, politique ou anthropologique, essayer de faire la différence entre les expressions codées et les expressions spontanées. Et puis du côté des expressions codées, on pourrait aussi envisager, on doit envisager les expressions commandées avec le problème de la claque, par exemple, au XVIIIe siècle. Donc, quel que soit, voilà un deuxième ensemble de travail, une deuxième démarche de travail à prendre en compte, cette typologie. Et ensuite, évidemment, quelle que soit la typologie retenue, il faudra tenter d'interpréter ces différences, c'est-à-dire tenter de comprendre par quoi elles sont déterminées. Est-ce que c'est sur scène, sur ce qui se passe sur scène, qui provoque ces différents types de réactions ? Et sur scène, quoi de la scène ? Est-ce que c'est le genre dramatique ? Est-ce que c'est la fable, les caractères, le style, donc selon la terminologie aristotélicienne ? Ou est-ce que c'est la performance, le spectacle, au sens aristotélicien, la performance de l'interprète et quoi de la performance de l'interprète, ou la musique dans la langue. Enfin, bref, mais est-ce que c'est sur scène qu'il faut essayer de se tourner pour... est-ce que c'est vers la scène, pardon, pour comprendre la typologie des réactions ? Une autre manière de s'interroger sur la détermination serait de se dire, est-ce que c'est ce qui se voit ou ce qui s'entend qui influence les réactions du public, et comment est-ce que ce qui se voit et ce qui s'entend sont en relation ? Comment ensuite la perception, dans ce cas-là, si on prend en compte voir et entendre, comment est-ce que cette perception est influencée par les lieux du spectacle ? Et les lieux peuvent être des lieux sociologiques. Est-ce que ce sont les théâtres à la ville ou à la cour ? Est-ce que ce sont des théâtres de société ? Ou alors les lieux construits, à la question de l'architecture que tu évoquais. Est-ce que, dans quelle mesure la conformation de la salle, la disposition du public, influe sur les manifestations sonores ? Enfin, est-ce qu'on doit se tourner vers les spectateurs eux-mêmes pour comprendre ? Sans doute, doit-on prendre en compte le rang social, l'éducation, le genre, pour aussi expliquer ces différentes réactions ? Je ne peux ici donc énumérer tous les champs de savoir... je ne peux ici énumérer... Pardon. je viens de faire court, je suis un peu fatiguée. Hein. Donc, est-ce que, je disais que là, dans la façon dont je présente toutes ces choses, on voit bien que le champ de savoir est immense à prendre en compte pour essayer de répondre à toutes ces questions. Et on voit qu'il serait par exemple nécessaire de faire appel aussi bien aux travaux sur les conditions matérielles de représentation qu'aux travaux sur les structures de la perception. Comment réagit-on à ce qui se voit, à ce qui s'entend, avec cette grande différence, je cite Quignard, les oreilles n'ont pas de paupières, donc il y a quelque chose qui, de toute façon, contre lequel on ne peut pas lutter avec ce qui nous arrive par les oreilles. Donc déjà deux choses absolument différentes. Hein. Les conditions matérielles de la représentation ou les structures de la perception, mais aussi des travaux sur la sociologie des publics, des travaux sur les études de genre, la poétique du théâtre, la musicologie. Donc les champs de savoir, les compétences, les disciplines doivent être extrêmement nombreuses pour si on veut avancer dans notre enquête. Enfin, la dernière question qu'on doit poser, c'est on doit envisager ces hypothèses d'interprétation de manière synchronique, ça revient à la typologie et à l'interprétation, mais aussi de manière diachronique. Qu'est-ce qui change entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, puisque c'est la période que nous avons retenue ? Qu'est-ce qui change dans la description de ces manifestations sonores ? Et qu'est-ce qui change dans la valorisation de telle ou telle manifestation par rapport aux autres ? Donc, ce que montre ce programme d'enquête qui, heureusement, est collectif, c'était l'intérêt de ce colloque, c'est que justement, les forces seront nombreuses et les compétences seront nombreuses pour réfléchir, c'est que pour faire quelque chose de ces manifestations sonores du public, de multiples approches sont non seulement possibles, mais nécessaires. De multiples compétences sont nécessaires et donc de multiples disciplines. Et par exemple, cette semaine, nous allons assister à un colloque à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines sur les sons dans la ville. Il y a quasiment exclusivement des urbanistes et des géographes. Hein. Donc je ne vous cache pas que je rêve aussi d'en détourner un ou deux. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. J'ai quelques idées, mais là aussi, je me dis qu'il y a des choses nouvelles à apprendre de ces disciplines. Et cependant, donc j'espère vous avoir bien montré qu'on a besoin de toutes les forces, de toutes les compétences, et des vôtres notamment. Mais malgré cette nécessité de multiplier les approches, je suis absolument convaincue qu'il s'agit quand même de suivre un regard. Et c'est là-dessus que je terminerai pour finir ce retour réflexif que j'avais annoncé. Faire cette recherche, c'est proposer une définition du spectacle, qui serait la suivante. Et donc, je pourrais dire, je me lance, puisque c'est toujours difficile, en fait, ce moment où on essaie de voir ce qu'on défend quand on fait une recherche. Parce que ça serait très facile de m'arrêter là et de dire, donc, venez nombreux. Et voilà, tout le monde présente ses propositions. Très bien, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, moi, je pense que quand on... Avec un tel sujet, on propose une définition du spectacle qui serait la suivante. Le spectacle, c'est quelque chose qui a un effet sur la parole et il est important parce qu'il a un effet sur la parole. Il peut nourrir ou anéantir la capacité à parler directement dans le temps même de la représentation. On sait bien qu'il y a des spectacles qui laissent sans voix, d'autres au contraire qui donnent envie d'échanger des remarques avec son voisin, dans le temps de la représentation, mais aussi dans l'après-représentation. Et c'est précisément ce rapport entre le temps de la représentation et l'après de la représentation que je trouve passionnant. Je pense à cette phrase fameuse de René Rapin qui revient à la fin, en 1675 ou quelque chose comme ça, sur l'effet de la Marianne au début du XVIIe siècle. « Quand Mondory jouait la Marianne de Tristan, le peuple n'en sortait jamais que rêveur ou pensif, faisant réflexion à ce qu'il venait de voir et pénétré en même temps d'un grand plaisir. » Pourquoi ça me passionne? C'est parce que là, j'ai l'impression qu'on est à un moment où peut-être de transformation sur ce qui s'est vécu dans le temps de la représentation est en train d'aménager une petite intériorité depuis laquelle un jugement pourrait ensuite être porté sur la pièce. Et donc, le rapport entre ce que ça fait à la parole pendant la représentation et ce que ça rend possible ensuite d'une parole, moi, me passionne particulièrement. Car évidemment, il serait simpliste de déduire de la capacité à parler immédiatement pendant le spectacle la capacité à parler avec les autres après. Et inversement, de déduire d'un silence un retrait de la parole ensuite. Ça me paraît complètement... ça ne marche pas. Donc, ce qui me paraît certain, en revanche, c'est que la parole au spectacle, celle du spectacle, celle sur scène, qui donc interagit avec celle virtuelle du spectateur sur le moment, prépare ou inhibe des dispositions à parler, c'est-à-dire à se lier par les émotions ou par les idées exprimées. Et donc il y a une relation comme ça du spectacle à la parole, du spectacle en tant qu'il est spectacle, c'est-à-dire en tant que ce n'est pas la vraie vie et que c'est à côté de la vraie vie. Or, on l'entend peut-être... cette définition du spectacle, donc ce regard, j'estime qu'il est redevable à la discipline littérature. Et si je devais le justifier de la façon la plus minimaliste qui soit, je dirais, c'est un regard depuis la discipline littérature parce qu'il s'agit de s'intéresser à la fiction en tant qu'elle concerne la parole. Ça ne veut pas dire que... je pense que ce trajet, ce regard... est redevable à la discipline littérature. Évidemment, ça ne veut pas dire que ce regard ne profite pas de structures de pensée qui viennent d'autres disciplines. Et par exemple, en m'entendant parler de ce projet, vous aurez peut-être entendu au moins deux références théoriques majeures dans cette réflexion. Jacques Rancière, évidemment, dans la façon dont il envisage l'émancipation du spectateur en se débarrassant de l'alternative passivité-activité. Et puis, les travaux de Nicole Laureau, évidemment, sur la voix endeuillée, sur la façon dont la voix représentée s'adresse à quelque chose du spectateur qui n'est pas complètement recouvert par une définition citoyenne. Jacques Rancière est philosophe, Nicole Laureau est plein de choses, elle était historienne, anthropologue, philologue. D'autres disciplines nous aident, mais ensuite, je pense qu'il est intéressant d'essayer de se rattacher à une discipline pour mieux, non pas pour s'en glorifier, mais pour se situer et pour mieux ensuite discuter. Et puis aussi, éventuellement, pour considérer, pour réaliser que son propre objet est construit et que peut-être, en fait, ça n'a de sens que parce que je porte ce regard sur la voix du public, de considérer la voix du public. C'est évident aussi, je le précise même si c'est évident, je ne prétends pas que ce soit la seule question intéressante à poser à ces manifestations sonores. Et la preuve, par exemple, c'est que ma complice dans cette aventure, Julia Grotte-Gasquet, qui, elle, est en études théâtrales, elle est très intéressée par ce que font ces manifestations sonores au jeu de l'acteur, dans le temps de la représentation. C'est un regard différent, ça peut coexister, mais j'ai l'impression que se situer est vraiment important. Donc voilà, une phrase de conclusion, j'ai fait ces réflexions parce que je pensais que je m'adresserais à des doctorants, et j'ai pensé qu'aujourd'hui, avec la question du spectacle en perspective, l'écueil, il est dans le trop de pluridisciplinarité. J'ai l'impression que... j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, ça fait quand même très longtemps, mais que c'est tellement une évidence qu'il faut aller voir ailleurs que c'est une évidence molle et que quelquefois, on ne sait pas ce qu'on regarde et pourquoi on regarde. Et moi, j'ai l'impression que ça m'a aidé de comprendre ça dans ma recherche, donc c'est pour ça que je le dis. Donc, parce que le spectacle est naturellement, je pourrais dire en perspective, parce qu'il n'est pas plat, et parce que je pourrais reprendre l'expression qui m'a fait rire la dernière fois à l'exposition sur le trompe-l'œil aux arts décoratifs, une des salles s'appelait « Les 2D sont pipés ». Je trouvais ça assez fin. Bon. Les deux dimensions sont pipées. Voilà, le spectacle n'est jamais une image seulement. Il y a toujours trois dimensions. Mais justement, parce que les 2D sont pipés, il a besoin d'un regard. Donc, j'ai l'impression que le travail à faire, peut-être avec le spectacle plus avec autre chose, c'est de situer son regard, d'essayer de faire le pari, de l'ancrer quelque part. Là, j'ai fait le pari de l'ancrer dans une discipline. Voilà. Merci beaucoup. Laura, si tu veux... Oui. À moins le fond de quelqu'un... Mais j'enchaînerai pas du tout sur le propos qui vient d'être tenu. Alors, c'est le but. Parce qu'en fait, moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais c'est vrai que je me suis rendu compte en écoutant Sarah que j'avais une vision beaucoup plus... je dirais... Tiens, prudente. Oui, enfin, moi, je vais repartir du point de départ de Sarah, quand même, c'est ça le bon côté, qui était la réponse à la demande, en fait. Et en écoutant ton... Enfin, je t'ai reposé une question après, et puis en écoutant ton propos liminaire, je mettrai en lien trois idées que tu as données, et en fait, je vais rebondir sur le propos de Sarah, mais de manière vraiment provocante, puisqu'elle... Elle soulevait la question de la pluridisciplinarité, en fait. Effectivement, moi, je suis partie de là, en fait. Alors, j'espère que je ne vais pas être trop molle dans ma proposition. mais c'est très stimulant. Mais justement, je vais essayer de me situer. Et effectivement, je vais aussi essayer de me situer du côté de la littérature. Et je pense que c'est l'effet de cette vénérable maison où j'ai fait ma thèse, où il n'y a pas de département d'art du spectacle. Ça, c'est important parce que méthodologiquement, on est aussi dans un camp retranché de la littérature par rapport au théâtre. Je ne sais pas comment les chercheurs ici se situent par rapport à ça, mais je trouve ça très intéressant. Et en fait, je vais rebondir sur, du coup, sur cette question du texte à partir de trois idées que tu as données, Anne, qui me semblent soulever un paradoxe autour du rapport entre le texte et le vivant. J'essaie de ne pas être trop longue. Moi, j'adore l'idée de Jouvet, mais bon, moi, j'adore Louis Jouvet. Donc, c'est l'ère où se cristallisa la forme de son impulsion. Je trouve ça absolument sublime. Ce rêve jouvétien du lieu et de l'architecture va m'intéresser. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que moi, convoquée à cette table ronde et très honorée d'y être amenée, je me suis dit de quoi je vais parler. Donc, je vais vous parler de la danse. Donc, vous voyez bien pourquoi ça m'intéresse de cette histoire de l'ère, A-I-R-E. Et donc, rêve jouvétien de ressusciter une absence à partir d'un lieu, et question du texte là-dedans, et tu as beaucoup axé ta remarque, l'idée qu'on a promu le texte pour des fins axiologiques. Moi, je me suis dit, oui, mais bien sûr, mais je vais tirer la couverture à moi, je dirais qu'en fait, on l'a gardé parce que c'était commode. C'est très commode le texte pour enregistrer, puisque Sarah l'a rappelé, il n'y a pas d'enregistrement. Comment on enregistre un spectacle ? La description est un bon outil. On a aussi des images, bien entendu. Je vais faire un rapide rappel en fait, des sources qui sont à notre disposition. Enfin, c'est un petit rappel un peu simplet, mais c'est intéressant de toujours y penser. Donc je dirais que par commodité, on a conservé, on a écrit le spectacle. Et sans doute à des fins de pérennité, et ça me semble pas loin du rêve de Jouvet, en fait. D'un côté, on aura une pérennisation, de l'autre, une résurrection. Et tout ça autour d'un paradoxe qui est la disparition, en fait, du vivant, qui est le grand rêve que tu as souligné à la fin. Enfin, j'ai essayé fébrilement de prendre des notes du texte dont tu as parlé. Le verato, c'est ça ? Ça me semble très intéressant parce qu'effectivement, le spectacle vivant, je pensais que tu en parleras davantage autour de la notion de performance aussi, mais au sens performance art plastique, ça me semble être un des lieux où effectivement la littérature est mise au défi. Et du coup, moi je vais, un peu comme Sarah, mais de manière peut-être moins ambitieuse, je voudrais me situer aussi sur les questions de méthode. Et je commencerai par la danse pour en arriver à l'opéra. Et vous comprendrez pourquoi, en fait, en travaillant sur ce petit propos, je vais J'ai eu une idée et que je vais vous soumettre, mais qui est une idée un peu, mais qui est assez dans la lignée de Jouvet, vous allez comprendre. Alors d'abord, je voudrais rappeler quelque chose sur les sources. J'ai d'abord réfléchi à cette question de la 3D, de la pluridisciplinarité pour essayer de réfléchir à mon objet d'étude. Et je me suis dit, de manière assez spontanée, que s'il fallait rassembler toutes les sources dont on a besoin pour travailler sur la danse au XVIIe et XVIIIe siècle, on rassemblerait à peu près 5 types de sources. Et spontanément, je les ai ordonnées en fonction du corps du danseur. C'est-à-dire que j'ai progressé vers son corps, parce qu'il y avait aussi une question pendante dans la suggestion, l'invitation d'Anne Duprat, c'était la question de la restitution. Et voilà pourquoi j'ai fait de la publicité indûment pour l'association pour un centre de recherche sur les arts du spectacle au XVIIe et XVIIIe siècle. Vous vous demandez pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, c'est une entreprise de restitution en fait, des pratiques scéniques, hein, chorégraphiques et musicales et vocales. C'est un peu un rêve de restitution d'un savoir-faire. Et donc, quand on travaille à la fois en tant que chercheur et en tant que restituteur, si je puis dire, en tant qu'artiste, on a un certain nombre de sources. Je vais aller vite. D'abord, on a la source, je dirais, historique, hein, c'est-à-dire la source qui va nous donner une description du cadre, en général d'un cadre festif, hein, qui peut être un mariage, qui peut être un carnaval, hein, qui peut retracer un cadre symbolique et politique, hein, des usages allégoriques et nous en donner la clé. Et ces sources sont les relations, donc ces fameuses descriptions, qui sont des monuments, hein, vraiment conçus comme tels, des traités iconographiques, des traités historiques de la danse. Et évidemment, le plus grand traité historique de la danse du XVIIe siècle, c'est comme par hasard un traité d'un jésuite qui lui-même, hein, tendait à cette compilation monumentale des formes de la représentation. La deuxième source, c'est le livret. Alors si je m'attarde sur la danse et le ballet au XVIIe siècle, on n'a pas d'auteur pour les livrets. Ça, j'insisterai sur ce point, vous allez comprendre pourquoi. Ce sont souvent des intendants de maisons princières, hein, Philippe Daillé, le duc de Saint-Aignan, qui en fait mettent en œuvre un certain nombre d'artistes, enfin ils les mettent en œuvre, enfin ils les mettent au travail, ils vont ordonner un certain nombre d'entrées chorégraphiques et ils commanderont des vers aux poètes de cour. Et souvent on attribue les ballets aux poètes, alors que c'est pas vrai. En fait, les poètes se contentaient d'écrire des textes poétiques pour un spectacle qui était conçu comme un élément d'une fête. Le troisième type de source qu'on utilisera, c'est l'espace, hein, c'est tout ce qui a trait à l'espace. Hein. Les dessins, les plans qui nous renseignent sur la configuration de l'espace scénique, hein, la place des spectateurs, hein, la forme du plateau, ses dimensions, et voilà l'ère jouvétienne qui arrive. La quatrième, c'est la partition musicale, hein, que je mettrais plus près du danseur. Je me suis demandé si je la mettrais avant l'espace ou après. Je la mets au plus près du corps, puisqu'elle contient les impulsions. Et ça a fait naître en moi une autre idée, c'est que, de manière plus nette encore que l'espace, la musique contient le corps du danseur. En fait, elle indique, hein, quel était son mouvement. Et je dis ça à l'envers et vous comprendrez pourquoi. Ce n'est pas elle qui donne son impulsion au danseur, c'est la musique qui anticipe une impulsion du danseur que le compositeur connaît, en fait, reconnaît et va inclure en fait, dans sa partition. Il y a ici quelque chose de l'ordre de l'usage. Et enfin donc la partition chorégraphique, hein, qui est le grand paradoxe qui continue d'alimenter la réflexion, et j'y pensais en particulier en pensant à la question de la source internet. Aujourd'hui, quand on donne une vidéo d'une chorégraphie, évidemment on n'a pas du tout les mêmes problèmes d'enregistrement et de notation qu'au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, où on a inventé la notation de la danse, en particulier en France, et pourquoi la France, sans doute par cette focalisation sur l'écriture. Et donc la notation feuillet qui apparaît en 1700 en France, hein, qui est une notation très partielle, qui rend absolument pas compte des pratiques réelles, puisque voilà, donc problème de source, problème d'une source à la fois très précise et qui doit être complétée par des témoignages, par des descriptions, par des traités qui, souvent rédigés dans des langues étrangères, racontent ce que faisaient effectivement les danseurs. Éventuellement, on peut avoir recours à des portraits, mais qui appartiennent encore à une autre codification, des traités de maintien. Enfin, vous voyez que là, la question du corps devient cette espèce d'abîme irretrouvable, mais du coup fantasmatique et qui nous fait beaucoup rêver. Alors, pourquoi est-ce que ça m'intéressait de remonter sur ces sources? Vous voyez, j'ai vu apparaître en fait deux questions. Alors, bien sûr, je ne reviendrai pas sur le fait que l'opéra met en échec toute perspective aristotélicienne, etc. Je ne reviendrai pas sur le fait que... Enfin, je voudrais revenir ici sur le fait que je suis quand même une dramaturge, c'est-à-dire que je me préoccupe de génétique théâtrale. Alors, mon maître n'est pas là, donc je peux en parler, c'est Georges Forestier. C'est-à-dire qu'on essaye de se remettre dans le mouvement qui a présidé à la création d'un spectacle. Et ce qui me frappe ici, c'est que ce que j'essaye de faire, et c'est, vous voyez bien, c'est un volontarisme qui m'appartient en tant que littéraire, si je me positionne comme ça, c'est-à-dire que, pour moi, cela relève d'un effort d'aller chercher là ce que le texte, en fait, enregistre. Le texte n'est pas premier, il se contente, en quelque sorte, de sténographier quelque chose qui le précède. Et cette sténographie, en fait, c'est un corps d'interprète, c'est un corps de chanteur. Alors ça, je pensais que Sarah en parlerait, mais non. Mais dans l'opéra français, le chanteur n'est pas le plus, n'est pas le plus présent. Celui qui est le plus présent, c'est le danseur, en fait. C'est le corps qui est davantage présent, qui est davantage là. J'insiste sur cette idée d'une présence dans la mesure où c'est le fait d'avoir tenu compte de cette présence potentielle de l'interprète qui a rendu la musique baroque audible. Dans la mesure où, à partir du moment où on a considéré qu'il fallait tenir compte des notes inégales, des ornements, des appoggiatures, de tout ce qui était de l'ordre du non-écrit, c'est là qu'on a pu commencer à comprendre un peu cette musique. Donc ça, c'est très important, et en particulier comprendre sa valeur de musique de danse. Et la répercussion qu'a le fait de faire surgir ce fantôme de l'interprète, la répercussion qu'elle a, elle est directe sur la dramaturgie, dans la mesure où je finirai sur cette idée de la comédie mêlée. Quand on parle de comédie mêlée, je prends cet exemple parce que vous le connaissez sans doute un petit peu, on pense que Molière a eu le génie de mettre des séquences de ballet dans des comédies. En fait, c'est exactement le contraire. Il a mis des séquences de comédie dans des ballets. Et le fait de tenir compte de l'histoire du spectacle, mais au sens où on tiendrait compte aussi de tout ce qui n'appartient pas au texte et qui n'est pas dans le texte pour des raisons qu'Anne a un peu évoquées, des raisons axiologiques, des questions culturelles, mais aussi des questions d'outils, cette danse absente, en quelque sorte, si on la fait passer au premier plan, eh bien, elle permet de comprendre comment les spectacles fonctionnent, en fait. Et c'est un enseignement tout à fait extraordinaire. Alors, je suis un peu dans cette phase militante qui consiste à penser que l'opéra n'est pas un genre musical, mais qu'il est d'abord un genre théâtral, spectaculaire et chorégraphique. Mais je ne suis pas la seule à le penser. C'est ce que pensait également Ménétrier, c'est ce que pensait également Louis de Cahuzac. C'est-à-dire des gens qui vont défendre une vision de l'histoire de l'opéra français. Je dis français parce que c'est beaucoup moins vrai en Italie. Mais qui vont défendre une option historique et une forme d'analyse tout à fait particulière. Et la dernière chose que je voudrais dire, et je vais conclure, c'est que cela peut permettre de réfléchir, enfin ça me permet à moi de réfléchir, à ce qui se passe effectivement dans le spectacle, mais ce ne serait pas une vision à la Schechner en fait, donc la théorie de la performance, ce serait plutôt une vision, mais ça c'est les grands délires que permet ce genre d'invitation, à la McLuhan, si vous voulez, c'est-à-dire le médium et le message, c'est-à-dire que le spectacle ici est vraiment une impression... Qui rejette l'idée d'ornement, c'est-à-dire que l'ornement de la danse n'est plus un ornement, il est au cœur du projet spectaculaire, et tous les paramétrages non-verbaux sont sténographiés, vaille que vaille, dans le texte poétique, c'est de la provocation bien sûr, dans la partition, dans la chorégraphie, qui deviennent autant de moyens d'enregistrer un phénomène spectaculaire. Voilà. Peut-être qu'il y a des de la part de Pierre ou d'autres, s'il y a des questions, des réactions, des choses là-dessus. Je pense qu'il va y avoir plein de questions parce que c'est richissime, mais je ne suis pas sûre. Bon, faudrait prendre le risque maintenant d'écourter. Je ne sais pas, Pierre, quelques éléments peut-être, et puis ensuite, voilà, on est en discussion ensuite. La discussion, oui. Bien, donc comme vous l'aurez certainement remarqué dans les trois exposés précédents, plutôt que vous n'avez pas entendu l'Angleterre, bien entendu, Et cela avant tout pour une raison très simple, c'est que les Anglais ne théorisent pas. Alors en fait, ils ne théorisent pas, bien sûr vous allez dire, et les philosophes, oui, il y en a quelques-uns. Mais pour ce qui est du théâtre, c'est une activité qu'ils pratiquent bien plus qu'ils ne théorisent, ce qui fait qu'il n'y a pas au XVIe ou XVIIe siècle de traité sur le théâtre ou sur sa pratique. Ce qui fait que j'espère que vous me permettrez d'être beaucoup moins théorique que les autres intervenants et de regarder un petit peu la pratique. Et... Ah, mais t'es pas anglais, t'as le droit. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je vais en quelque sorte adopter la perspective de mes propres auteurs. Et tu as cité, je crois que nous avons tous été sous le charme de Jouvet. C'est vrai que c'est de recréer à partir du lieu. Un spectacle. On en a d'ailleurs un exemple ici, puisque j'avais été convié, je te remercie, ainsi qu'Elisabeth, pour cette invitation à une table ronde qui finalement s'avère être plutôt une table de réfectoire ou de bibliothèque, qui n'est même pas ovale, et donc qui n'invite pas forcément à une discussion. Et je crois que c'est un peu ça que nous essayons d'analyser, nous, dans nos recherches. Alors, moi, je travaille sur la Renaissance anglaise, donc sur le théâtre, évidemment, de Shakespeare, mais également de ses contemporains, deuxième moitié du XVIe siècle et première moitié du XVIIe. Le découpage se fait relativement aisément parce que les puritains arrivent dans les années 40 du XVIIe siècle pour tout fermer. Et lorsqu'ils rouvrent les théâtres, ou plutôt lorsque les théâtres rouvrent malgré eux, ce n'est plus la même chose. Donc je travaille sur cette période qu'on appelle élisabéthaine, mais qui prend beaucoup plus longtemps. Alors, comme il n'y a pas de théorie, il y a peu de choses sur quoi se baser pour savoir comment étaient représentées ces choses, ces spectacles. Et donc évidemment, ne nous reste que les textes, comme d'ailleurs pour la plupart, même si on peut chercher 5 différentes sources, on en varie aussi pour ce qui est de la recherche anglaise, mais c'est vrai que c'est avant tout des textes, et le problème est d'autant plus compliqué que ce sont des textes qui en fait ne précèdent pas, ou bien entendu ils précèdent le spectacle en ceux-là qui sont écrits pour être présentés, mais les textes que nous avons sont des textes presque dans la grande majorité des textes qui existent après les représentations, qui en sont parfois tout simplement des reflets, des captations même. On parlait de captation tout à l'heure, ça existe déjà à l'époque, c'est-à-dire plusieurs spectateurs, que ce soit un serment d'ailleurs ou une pièce de théâtre, peuvent en sténographie noter le spectacle afin de éventuellement le garder pour eux ou parfois même de le publier. Ce sont aussi, on a des textes aussi qui viennent évidemment des manuscrits des auteurs, fort heureusement, mais de manière générale, lorsqu'on lit ces textes et lorsqu'on lit le paratexte, c'est-à-dire les préfaces, les dédicaces, les épîtres au lecteur, les textes sont considérés comme très souvent comme inférieurs au spectacle, comme inférieurs à la représentation, et développent systématiquement une rhétorique de l'éloge du spectacle, d'une certaine nostalgie déjà, et aussi d'une priorité du spectacle sur le texte. Ça se voit ne serait-ce que sur les pages de titre, où plutôt que le nom de l'auteur, on aura systématiquement l'endroit où la pièce a été jouée. Donc voilà, nous avons... alors, évidemment, c'est un corpus qui est très, très varié, puisque on préfère penser à Shakespeare et à son réseau social, en quelque sorte, c'est-à-dire les compagnies sous patronage royal à partir de Jacques, qui officie à Londres, mais évidemment, la pratique théâtrale de l'époque ne s'arrête pas là. Il y a des pratique universitaire d'un théâtre qui, du coup, ressemblerait beaucoup plus au théâtre français. Il y a des pratiques de province également, qui ne sont pas toujours assurées par des troupes londoniennes qui font les tournées, mais par d'autres. Donc tout ça... Et puis il y a aussi, un théâtre plus cavalier ou plus... disons théorique ou intellectuel ou politique, c'est-à-dire ce sont tout simplement des pièces, des textes, en fait, des pamphlets écrits comme des pièces, mais qui servent à être lus dans des salons et pas vraiment à être présentés. Donc au milieu de tout ça, il est assez difficile de trouver une unité, évidemment, et lorsqu'on se penche dans le bref mail que tu m'avais adressé pour préparer quelque chose sur ces lignes sibyllines, tu avais insisté sur les pratiques théâtrales. Donc pour reconstituer des pratiques théâtrales de cette époque, à part le texte, évidemment, il reste peu de choses. On a quelques gravures, on a très très peu de gravures liées au théâtre. Donc en gros, la dizaine de gravures qu'on peut trouver ne nous renseigne pas beaucoup à part sur la forme de la scène du Globe ou des théâtres assimilés. On a aucun traité théorique, quelques rares journaux personnels qui rendent compte de quelques mises en scène, la plus connue étant celle de Simon Forman qui raconte Macbeth, d'ailleurs sans vraiment les sorcières de spectre, donc c'est dire si on peut s'y fier. De la même manière, un peu plus tard, on retrouve quelques bribes chez Samuel Pepys, mais il y a une source en fait qui nous permet d'avoir un accès aux conditions matérielles, c'est le journal de Henslow, qui donne à la fois des inventaires, les recettes de chaque pièce, l'ordre des pièces pendant plusieurs années. Henslow, qui est donc le directeur du théâtre de la Rose, le rival du Globe, a consigné tous ses comptes, tous ses détails, et c'est à peu près la seule source. Alors, depuis une trentaine d'années, on a aussi un projet qui avance beaucoup, les anglo-saxons ont fait avancer ce projet, qui s'appelle Read, Records of Early English Drama, qui s'évertue à retrouver toute trace de spectacle partout en Angleterre, dans les universités, dans les diocèses, dans les paroisses, dans les mairies, dans les archives, partout, et tout ce qui a de près ou de loin trait à un spectacle est en train d'être rassemblé dans une trentaine de volumes déjà, et ça continue. Alors, peut-être une exception, c'est la musique, où là on a un tout petit peu plus de traces, puisque les musiques ayant été recyclées en quelque sorte après les pièces dans des anthologies, là on a vraiment au moins je ne vais peut-être pas en parler du coup parce qu'on a déjà beaucoup parlé de musique, mais on a des partitions, on a un peu plus une idée de comment étaient jouées ces musiques sur scène. Alors, plus récemment, vous le savez sans doute, on a un nouvel outil qui est celui de la reconstitution, donc le rêve de Jouvet qui a pris finalement forme à Londres, puisque le Globe a été déjà reconstitué à la fin du siècle dernier. Et évidemment, le travail qui s'y fait est un travail passionnant, mais très trompeur, puisqu'on essaye, soi-disant, de recréer des conditions de mise en scène de l'époque qui n'en sont pas du tout, puisqu'on a dû sacrifier dès le départ la plupart des conventions, comme celle de ne faire jouer que des hommes et des garçons. Évidemment, on a laissé tomber aussi la prononciation restituée. Et puis, surtout, ce qui manquait dès le départ, c'était aussi d'avoir un public reconstitué, pour les gens de l'époque, ça n'aurait pas le côté reconstitué, un peu comme quand le poème harmonique nous refait le bourgeois gentilhomme. C'est pas le même public qui va y aller. Donc, en gros, on ne peut pas savoir grand-chose de tout ce problème-là, et l'authenticité est un des problèmes. C'est pour ça que, évidemment, il y a encore des pistes, il y a encore des choses qu'on peut rechercher dans ce domaine, mais je préférais plutôt vous parler un petit peu de l'autre aspect de cette perspective que j'y voyais, qui était celle des arts visuels et des rapports qu'entretiennent les arts visuels avec le théâtre, d'autant plus que il me semble pas qu'il existe la même polysémie du terme perspective en français. En anglais, outre le terme qui est relatif à la peinture, il y a également le terme pour d'optique, qui désigne à la fois une image déformée de type anamorphose, qui s'appelait perspective à l'époque, et également des instruments qui visaient à déformer l'image, soit à l'agrandir presque comme une loupe, soit justement à obtenir, par exemple, une sorte d'image kaléidoscopique ou d'autres choses comme ça. Donc, le fait de cette polysémie m'a amené à réfléchir sur le texte que nous avons et le spectacle comme une façon de proposer une vision anamorphique d'une histoire qui serait au-delà du texte. Et pour cela, alors je vais aller très vite, je vais passer sur l'usage que fait Shakespeare de cette notion de la perspective dans les deux sens, dont un très bel exemple se trouve dans Richard II, acte 2, scène 2, mais je vais peut-être passer rapidement, on y reviendra après si on a le temps. Juste pour vous donner deux exemples de ce que j'ai en tête, c'est-à-dire d'un spectacle en perspective qui serait comme un arrêt sur image ou un close-up, hein, qui ferait voir au spectateur autre chose que le texte qu'il est en train d'entendre. Premier exemple, très connu, Hamlet. Vous vous souvenez peut-être de la scène du cellier, lorsque Hamlet, après avoir vu le fantôme en compagnie de ses camarades, d'Horatio et des gardes, leur demande de jurer qu'ils ne diront rien sur ce qu'ils ont vu. Et assez bizarrement, le serment se répète plusieurs fois sur scène, sans qu'on sache véritablement pourquoi. Alors, une interprétation possible est qu'il s'agit en fait d'un petit tableau vivant, c'est-à-dire que la pièce se joue au globe à ce moment-là. Le globe, vous savez, est une scène avancée, donc qui présente au moins trois côtés pour les spectateurs. Et au moins un des atouts du globe actuel est de nous rappeler qu'en fait, les acteurs sont obligés de bouger beaucoup plus que sur une scène à deux dimensions, parce que sinon, une partie du public n'en a pas pour son argent. Il est tout à fait possible que cette petit détail auquel on a voulu trouver énormément de sens, la Trinité, le diable, ou allez savoir quoi, pourrait tout simplement être une façon de présenter un tableau du serment avec l'épée, on croit peut-être, les personnages agenouillés, Hamlet au milieu, mais du coup, qu'il fallait refaire trois fois pour chaque aspect du public, puisqu'il y en a qui sont sur la gauche, sur la droite et au milieu. Donc, et évidemment, les groundlings, c'est-à-dire la foule, les spectateurs debout sont aussi tout autour de la scène. Donc, comme il y a deux piliers en plus qui s'avancent, eh bien, parfois on ne voit rien si les comédiens ne bougent pas. Donc ça pourrait être une première explication. Voilà, un petit tableau qui se fige un instant, vous savez que c'est aussi la mode des emblèmes à cette époque. Donc probablement le public avait ce goût du tableau et était capable de même quelques secondes, de reconnaître qu'on faisait une sorte de citation visuelle ou de clin d'œil. Deuxième exemple, beaucoup moins connu, mais que j'ai été amené à étudier en traduisant la pièce dont tu avais parlé, La sorcière de Thomas Middleton. Eh bien, on se rend compte, en fait, qu'à certains moments, les didascalies sont assez curieuses. Et de la même manière, il semble qu'il y ait des tableaux vivants qui se figent tout à coup au milieu d'une scène, pas justement lorsque l'action est à son comble, mais plutôt dans des moments un peu morts. Alors, il y en a trois comme ça qu'on peut en fait rapprocher de l'iconologie de Ripa, où on retrouve exactement les mêmes emblèmes, les mêmes représentations. Le premier, c'est lorsque la sorcière arrive sur scène, au premier acte. Elle porte avec elle des serpents dans la main. Elle arrive comme ça sur scène. Alors, les didascalies du manuscrit sous lequel a survécu la pièce ne dit pas s'il est nu ou pas, mais si on regarde l'image de l'hérésie chez Ripa, c'est une femme âgée, nue, qui porte donc une grappe de serpent dans sa main, dans son poing serré. Donc on peut se demander s'il n'y a pas vraiment cette entrée-là qui se veut un petit clin d'œil. D'autant plus que si on continue un peu, un autre personnage, Francesca, qui vient, alors pendant l'intrigue, elle avorte en fait d'une grossesse adultère, évidemment, et qu'il fallait taire. Donc elle revient très fatiguée par évidemment par l'expérience et par le voyage, et elle se regarde dans une glace à un moment, avant de monter à cheval, elle se regarde, et une fois de plus, on a l'impression... Alors, j'aurais bien voulu vous montrer les gravures de Ripa. On a effectivement la prudence qui est représentée comme une femme en robe qui se regarde dans un miroir. Et le fait qu'on ait cette scène qui finalement ne sert pas à grand-chose au niveau de l'intrigue, peut-être être à nouveau une sorte de cliché comme ça. Et un dernier, lorsque Antonio, son frère, découvrant finalement toutes ces choses viles et interdites, arrive furieux pour se venger, il arrive avec une torche et une épée à la main, qui est la façon dont choisit Ripa de représenter la colère. Donc voilà... Probablement, on aurait intérêt à relire beaucoup de pièces, y compris des pièces de Shakespeare, en pensant à ce type de relation entre, justement, la perspective même. Chez Middleton, évidemment, ces petits tableaux n'interviennent qu'une fois. L'une des raisons pourrait être la suivante, c'est qu'elle ne se joue pas au Globe, cette pièce-là, mais au Blackfriars, qui est le théâtre privé que les Kingsmen, c'est-à-dire la troupe de Shakespeare, ont acheté au XVIIe siècle, pour jouer notamment en hiver, quand il faisait trop froid pour jouer au Globe. Eh bien, c'est une scène qui est, elle, à deux dimensions, enfin plus classique, plus à la française, et donc il n'y a peut-être pas besoin, du coup, de bouger, puisque tout le public est du même côté. Donc ça pourrait expliquer aussi pourquoi on a des tableaux qui, du coup, ne s'embarrassent pas de se répéter en quelque sorte. Alors, bon, je vais peut-être arrêter là tout simplement avec ces petites suggestions pour qu'on ait un peu de temps de t'écouter. Bah Zoé, quelques... Alors, je merci Anne pour cette invitation. En fait, en lisant le descriptif, je suis partie en fait du constat qu'en tant que en termes de recherche, je travaille sur la tragédie essentiellement, et je suis plutôt sur les tragédies atroces avec des infanticides, enfin tout ce qu'on veut comme crime épouvantable. Et qu'en tant que spectatrice de théâtre, finalement, on voyait assez peu sur la scène parisienne et française de tragédie, enfin relativement peu, si je puis dire. Et qu'accessoirement, en plus, j'étais toujours déçue, donc j'étais un peu triste. Et je me suis demandé si finalement, on ne pouvait pas voir... Alors là, évidemment, la formulation était un peu provocante et évidemment polémique, mais l'histoire de la tragédie française comme finalement une manière d'éviter progressivement de plus en plus le spectaculaire au profit du poème dramatique. Et du coup, j'aurais essayé, enfin, je voudrais juste soulever finalement l'idée que peut-être dans le spectacle en perspective, qui est l'approche qu'on a en tant que chercheur quand on travaille, c'est d'essayer de reconstituer ce que fut quand même un peu ce spectacle, c'est aussi de voir comment peut-être le poème dramatique, justement, d'une certaine manière, est confronté au public, au spectaculaire, aux pratiques scéniques, alors même que plus on avance dans le 17e, plus la tentative est quand même de reléguer ce spectaculaire dans des genres qui lui serait réservé, la tragédie lyrique, le théâtre à machine, par exemple. Alors, et du coup, peut-être aussi de mettre en lumière, et je crois que c'est une chose à laquelle invite aussi ce séminaire et auquel Pierre invitait également, c'est de voir la différence entre les pratiques des dramaturges et les théoriciens. Et dans le fond, comment les pratiques des dramaturges sont souvent très riches par rapport à ce que disent les théoriciens, qui uniformisent peut-être un peu plus qu'on ne le souhaiterait. Alors, mon exposé s'articulera rapidement en deux temps et demi. Enfin, vous verrez, si c'est trop long, je sabre tout ce que vous voulez. Première... prends une dizaine de minutes, prenez un quart d'heure pour discuter. D'accord. Alors la première chose, premier temps de cet exposé, c'était d'essayer de montrer comment la scène ne cesse en fait de s'imposer comme par réfraction dans les représentations. De quatre façons différentes, pardon, pour cette typologie. Premièrement, c'est d'abord le rôle du hasard. Alors le volume sur les anecdotes dramatiques recense un grand nombre de hasards souvent plaisants, du postiche qui tombe, à l'acteur dont le poignard se casse, que sais-je encore, mais peut-être aussi de dire dans le fond que ce que le dramaturge a prévu ne se passe pas comme il l'aurait imaginé. Vous avez peut-être eu au programme d'agrégation la Médée de Corneille, et en fait il est frappant que Corneille prévoit la mort de Créon et de Créuse et que c'est à la représentation qu'il se dit en fait ça ne marche pas. Et donc, en fait, ce que prévoit le dramaturge est rendu moins satisfaisant du fait de la représentation. Et donc, en fait, une sorte de leçon, si je puis dire, de la scène qui s'impose au dramaturge. Deuxième exemple du hasard qui s'impose, c'est peut-être lors du jeu des acteurs. on est frappé de voir qu'il y a de mauvaises pièces qui connaissent un très grand succès parce que ce sont des rôles à effet, des rôles où les acteurs fonctionnent et finalement on va davantage voir l'actrice. On en verrait sûrement aujourd'hui, moi je pense aussi à Mademoiselle Clairon dans la Médée de Longepierre au 18e. Tout le monde s'accorde à dire que la pièce n'est objectivement pas exceptionnelle, mais que voir Clairon c'est tellement satisfaisant. Et Clairon choisit de se faire représenter dans ce rôle-là. Autrement dit, on pourrait imaginer une histoire des succès tragiques qui ne serait pas forcément une histoire des œuvres tragiques ou des auteurs tragiques. Troisième exemple, c'est ce jeu des émotions. Et comme si finalement, parfois, il y avait une sorte de revanche sur scène des émotions prévues par le dramaturge. Il me semble en particulier que dans les affects extrêmes que suscite la tragédie ou qu'elle vise à susciter, il y a parfois une sorte de renversement possible. Je pense au cas entre le lyrique et le ridicule, ou l'horreur et le ridicule. Avec deux exemples ici, qui sont très célèbres. Hein. Le premier, c'est « Vous êtes mon lion superbe et généreux », et Mademoiselle Mars dit « C'est pas possible, c'est ridicule », et elle corrige le texte, et elle explique à Hugo quand même que ça ne va pas, et on voit bien comment le praticien de la scène corrige le texte. Et sur cette même période, on pourrait penser à Mademoiselle Mars, qui a un avis sur les costumes dans lesquels on doit jouer la comédie, et qui propose une réforme, en fait. Évidemment, elle en revendique la paternité, il y a des débats au 19e, mais dans le fond, sur le fait que le praticien a un avis sur les pratiques scénographiques et sur le texte lui-même. Le deuxième exemple, et je suis toujours dans mon programme d'agrégation sur théâtre et violence, c'est, je pense, au banquet dans Titus Andronicus, qui est censé être vraiment une scène canonique de l'horreur, enfin, blabla, je passe, mais en fait, on peut se demander si aujourd'hui ça fait le même effet. Et je me souviens de la mise en scène de Lucas Hemleb, que vous n'avez peut-être pas vu parce que vous êtes trop jeune, il y a une dizaine d'années ou quelque chose comme ça, mais il y a longtemps, à la Commune, je crois, bref, où en fait on pouvait se demander si, alors que Hemleb voulait monter manifestement cette scène de banquet, est-ce que finalement il n'avait pas un effet sensiblement grand guignol dans ce débordement de sang, si je puis dire, qui au théâtre... qui est concurrencé au théâtre par d'autres pratiques visuelles que nous connaissons et qui donc modifie notre perception de spectateur par rapport à un effet originellement prévu par le texte. Autrement dit, souligner peut-être que les dramaturges écrivent en fonction de l'idée qu'ils ont du public contemporain et qu'évidemment ce public se dérobe sans cesse et qu'en réalité finalement cette exigence de plaire elle est quand même toujours limitée par les aléas du public, aussi bien du public contemporain de l'écriture que du public contemporain de la représentation. Et du coup, ceci m'amène à peut-être formuler l'idée, alors de manière un peu rapide, mais qu'il y a une sorte d'idée que la scène serait en quelque sorte refoulée et qu'elle revient en fait par lapsus pour être omniprésente, aussi bien dans la réflexion critique que dans le poème dramatique. Et ce serait le deuxième point de cet exposé sur les pratiques scéniques comme à la fois critique et fascination. Avec deux exemples, en fait, enfin deux idées. La première, c'est de dire qu'en fait, le discours sur la tragédie met l'accent sur la toute-puissance du poème dramatique, mais qu'en quelque sorte, on pourrait se demander si la scène n'est pas aussi le lieu à partir duquel il s'élabore. Et je pense en particulier à cette notion de vraisemblance qui est essentielle et pour laquelle, finalement, le rôle du public est absolument déterminant. On a tout au long du XVIe et du XVIIe siècle un débat sur ce qu'a bien voulu dire Horace lorsqu'il dit que tout ce qui est incrédulus est odi. Mais dans cette conception de incrédulus, en réalité, on a des divergences tout de suite, dès la Renaissance, chez les traducteurs italiens, et puis ensuite en France, sur qui est incrédulus. Est-ce que ce sont... vous ne vous souvenez pas forcément tous par cœur des vers de Horace, mais quand Horace dit, la version française, en gros, c'est que la cuisine macabre d'Atrée, le meurtre de Médée des enfants de Médée, et les métamorphoses de Cadmus et Procnée en oiseaux ne sont pas crédibles, et donc il faut les bannir de la scène. Bien. Et tout le problème, c'est de savoir ce qu'on juge incrédulus. Est-ce que c'est parce que la scène ne peut pas représenter correctement ce type d'action ? Est-ce que c'est parce que ce sont des actions extrêmes et donc on ne pense pas qu'elles soient crédibles ? On ne connaît pas de gens qui se transforment en oiseaux ? On ne connaît pas de mère qui tue ses enfants ? Ou bien est-ce que c'est parce que, sur scène, ces actions-là ne sauraient être représentées ? Autrement dit, il y a tout un débat sur ce qu'est incrédulus et en fait, on est amené à avoir une conception de la vraisemblance qui n'est pas que esthétique, mais bien évidemment aussi éthique et idéologique. Et à voir en fait que cette notion de vraisemblance, évidemment, elle est fluctuante et qu'on imagine que les spectateurs qui lisent du Sénèque en tragédie romain n'ont pas la même conception de la vraisemblance que les galants du 18e, en gros. Et on pourrait également dire que finalement, il y a tout un débat, déjà au XVIIe siècle aussi, sur ce qu'est le public et comment le concevoir. Et le débat entre Daubignac et Corneille et la manière dont ils conçoivent le théâtre doit largement à des conceptions différentes du public. Autrement dit, les théoriciens prennent acte de ces pratiques scéniques et des publics auxquels ils sont confrontés pour penser leur théorie, une sorte de public en creux et de pratique scénique en creux. Et puis le deuxième élément, ce serait les limites de la scène avec tout un ensemble de cas problématiques, alors qui sont pas difficiles à raconter, et c'est bien ce que d'ailleurs Horace recommande de faire, c'est de les rapporter, mais qui deviennent problématiques quand il faut les représenter. Et ce dont on se rend compte, c'est que ces crimes problématiques, quand il faut les représenter, sont en fait ceux qu'on ne cesse de représenter dans les pièces de théâtre, alors que les théoriciens disent non, non, c'est affreux. Autrement dit, il y a une contradiction entre d'un côté les pratiques des dramaturges qui vont se confronter à ces sujets qui sont des cas limites et qui permettent justement de penser la scène, de rechercher un maximum d'effets, mais aussi de réfléchir à ce qu'est les possibilités de la scène et d'avoir en fait une perspective théorique au sein même des œuvres dramatiques, là où les théoriciens finalement ont un discours beaucoup plus uniforme sur ces cas limites parce qu'ils les ont exclus assez simplement. Et en guise de conclusion, je voudrais juste revenir peut-être sur le fait que la scène moderne arrive à renouveler la tragédie ou l'effet tragique, justement en puisant leurs effets spectaculaires. Aussi bien dans les écritures dramatiques, alors je pense à Caïn et à Sénèque, et j'ai un peu honte de parler de ça ici, mais enfin, on pourrait aussi penser à Ravenhill, reprenant dans Shopping and Fucking la fameuse scène de Édouard II, ou encore à Ostermayer, renouvelant ça avec les éléments de biomécanique empruntés à Mayerhold. Autrement dit, une manière de renouveler le tragique dans l'écriture et dans la mise en scène. Et en termes de mise en scène tragique, on pourrait penser justement à la manière dont le spectaculaire est exploité par les metteurs en scène contemporains pour monter des textes. Je pense à la mise en scène de la Médée des Rupides par Deborah Warner, où vous aviez une grande scène, enfin, où la mort des enfants était traitée une sorte de projection de sang des enfants. Vous savez, c'est un meurtre en voix off, et on voit une projection de sang derrière une sorte de verre dépoli. Ou encore plus récemment, vous l'avez peut-être vu, à la Médée matérielle de Müller, du Sapin et Valls, où il y a une manière de traiter la mort en scène de Créuse, qui justement fait la part belle au spectaculaire et vient puiser en fait dans une sorte d'économie qui serait toute classique. Autrement dit, du coup, comment les spectaculaires permettent de renouveler l'effet tragique à ses limites, aussi bien du point de vue des textes que du point de vue des mises en scène. Je vous remercie. Y a-t-il des questions là-dessus aux uns aux autres? Déjà des félicitations, merci d'avoir comme ça défriché le terrain et amené sur le vent de la discussion des axes et des perspectives tellement fécondes que ça, du spectaculaire à cette anticipation par le texte du corps, l'idée que j'ai trouvée remarquablement jolie. Enfin bon, tout cela est vraiment formidable. L'anamorphose, bien sûr. Enfin bref, tout ce que vous avez apporté pose effectivement pas mal de questions et pas mal de questions qui ont à voir avec l'horizon d'attente. Enfin, je suis très contente qu'on commence à réfléchir et à se donner les outils, les instruments pour appréhender justement ce qui, pour le moment, échappe beaucoup aux théoriciens de la réception et qui relève précisément de cet horizon d'attente. Je crois que c'est vraiment un enjeu de ce séminaire que d'essayer peut-être de mettre au jour ces outils. Je suis allée voir récemment Forced Entertainment, je ne sais pas si certains ont fait l'expérience de ça, c'est un spectacle qui donne à voir le refus du spectacle, le déni du spectacle. Je suis là et je ne ferai pas spectacle. Donc là aussi, il y a quelque chose... Comment, en l'occurrence Entertainment. Mais comment ce déni du spectacle? Les acteurs sont là, ils disent, bon, on est là, donc on va vous parler un petit peu. Ah oui. Et ça dure quand même 2 heures, donc il faut tenir. Et il se passe des choses, de l'ordre de l'émotion, avec des gens qui, délibérément, sont là pour vous dire qu'ils ne feront pas spectacle. Donc... voilà, c'est ce que vous avez dit entre en résonance là, avec précisément la nécessité de construire spectaculaire pour les spectateurs contemporains que nous sommes, ce que ça veut dire qu'un horizon d'attente et qu'un pacte spectatoriel peut-être, enfin il me semble. Alors des questions? Peut-être, oui. Des réactions, des commentaires? Ah, on est tous, c'est chaud. Il nous faut de la réception. Hein. Ah, enfin du bruit dans la salle. Je n'ai pas... la gauche déployée à propos de la voix, c'est une des remarques que les pamphlets de la querelle des bouffons ont souligné à propos des représentations de l'opéra italien. Donc la question de la voix me touche particulièrement. Il n'y a pas simplement la question justement de ce qu'on entend, mais aussi de la façon dont le corps bouge au moment où on fait du bruit. Et ça touche l'habitus des spectateurs, donc il y a un aspect là particulièrement intéressant. Donc c'est pratiquement, je dirais que nous avons un triangle de fonctionnement vous écoutant. D'une part, la pratique scénique et les lieux, d'autre part les créateurs, et le troisième élément du triangle, l'horizon d'attente. Donc c'est sur ces trois aspects qu'on essaye, nous travaillons, les personnes qui travaillent sur un spectacle qui n'existe pas, donc de l'époque ancienne, la périodisation, on peut se mettre d'accord. Je découvre que la Renaissance anglaise et les baroques italiens, par exemple, et on peut continuer comme ça. Donc pour reconstituer un spectacle, on doit forcément essayer de mettre en relation, un dialogue, ces trois points, ces trois éléments, avec les sources qu'on arrive à repérer. Et l'idée de l'espace donc, que je vais est particulièrement intéressante. Si nous pensons effectivement à la différence fondamentale à la même époque de la dramaturgie française-italienne par rapport à celle espagnole et anglaise, nous avons trois types de scènes totalement différentes. L'étape du choral en Espagne avec une scène multiple, les globes en Angleterre avec une scène qui n'est pas vraisemblable, donc qui n'est pas naturaliste, et un théâtre à l'italienne où la scène, la scénographie est réaliste et naturaliste. Donc du coup, nous avons trois dramaturgies qui sont totalement différentes. Donc effectivement, Jouvé n'était pas en cadre, disons, mais c'était un aspect important. Et l'autre chose, les traces qui n'existent pas, donc c'est les interstices. Nous a parlé de ça. Si je pense aux partitions d'opéra italien, les partitions d'opéra italien n'ont qu'une ligne mélodique, ils n'ont aucune orchestration, ils n'ont pas les chants, la voix des interprètes, évidemment, et les vocalistes ne sont pas indiqués. Donc là où, même là où il y a une trace écrite, cette trace écrite était lacunaire. Et donc, nous devons forcément faire des conjectures. Et en référant toujours la métaphore de l'archéologue que vous avez utilisée, je préfère toujours prendre la théorie du paléontologue qui travaille sur les dinosaures et choisir la deuxième théorie des dinosaures, c'est-à-dire les dinosaures ne sont pas des reptiles, mais des oiseaux. Et donc, ils ne sont pas gris, comme on les imaginons depuis Godzilla et Godzilla, mais ils sont plumés et colorés. Donc, ah ouais. C'est-à-dire, il y a un espace d'interprétation. Nous ne pouvons pas jouer sur l'autocensure, car nous n'avons pas des sources certaines, des sources déterminées, mais nous devons laisser la place aussi à des interprétations qui peuvent paraître irréelles ou aberrantes, mais qui ouvrent dans les croisements avec d'autres disciplines, et c'est là notre interdisciplinarité, des possibilités nouvelles d'interprétation. Les dinosaures plumés et colorés ouvrent d'autres espaces d'interprétation du monde préhistorique. Ah ben ça existe, hein, le pteranosaure, c'était un oiseau. Ça existe, hein. C'est une théorie. C'est-à-dire, mais il n'avait pas de plumes. Évidemment, ils font des œufs tous les deux, ils sont obligés de les couver tous les deux, mais s'il y a un dinosaure reptile, c'est gris, c'est triste. C'est en réalité les dinosaures et un oiseau. C'est la vertèbre de Jouvet, voilà. Faire jaillir d'une pierre comme d'une vertèbre le grand corps vivant. C'est vrai pour le caractère de la... j'ai fait une allusion très rapide à la trace qui parle, à l'absence de trace, à l'ensemble des manifestations qui ne laissent pas de traces, qui ne sont pas archivables. Et ça, en fait, ça, tout dépend de l'importance qu'on donne dans ce que l'on veut reconstituer du spectacle à toutes ces traces muettes Ça me fait penser à ce que Sarah disait de il faut savoir ce qu'on veut chercher et quel est le point de vue qu'on a soi-même comme chercheur sur un texte. Quel est le spectacle que l'on constitue, voilà, quand on travaille sur tel ou tel ensemble de traces. Et par exemple, ce que tu disais, Laura, sur le fait que Molière n'a pas mis du ballet dans de la comédie, mais de la comédie dans du ballet, c'est exactement la confrontation entre ce que pouvait être la chose au départ, une logique complètement inverse de celle qu'on va chercher nous quand on recherche le texte de Molière dans des ballets, en gros. C'est le croisement entre les deux. Alors là aussi, là, il y a la petite phrase de Jouvet que j'avais sautée pour aller vite, mais qui est tout à fait là-dessus, puisqu'il disait, genre, allez, encore un petit bout, hein. « Il importe donc à qui veut la ressusciter d'évoquer l'air ou se cristalliser à la forme de son impulsion, virgule, où ces deux pôles sensibles que sont la scène et l'auditoire se disputèrent la place, refluèrent l'une vers l'autre, cherchant instinctivement la forme qui convenait le mieux à leur mutuelle pénétration. » Donc c'est vraiment l'histoire de tension entre deux choses, entre la scène et l'auditoire dans cette phrase-là, qui serait cristallisée dans l'air, là, dans la vertèbre, là, ce qui reste du théâtre architecturalement. Mais pour nous aussi, c'est la tension entre ce qu'on va chercher dans un spectacle et le dispositif tel qu'il pouvait être, tel qu'il pouvait se donner, tel qu'il pouvait être vécu. C'est marrant cette histoire des dinosaures parce que il semble que ça rejoint le problème qui a été soulevé par trois intervenants en fait, qui m'a beaucoup frappé, cette question du public. Parce que quand vous dites, je pense qu'on a dit la même chose en fait, en disant que la trace de la partition, elle fonctionne pas si on la prend telle que. Enfin, quand on la jouait, paf, on jouait toutes les notes égales comme c'était écrit. Enfin, d'abord, comme vous dites, musicalement ça marche pas parce qu'on n'a même pas la basse, on fait rien. Mais c'est l'histoire du dinosaure, c'est est-ce qu'on veut un dinosaure gris ou un dinosaure à plumes ? Vous déplacez la question sur le plaisir aussi de la réception. Bien sûr. Et en fait, on t'écoute... aussi sous le plaisir du chercheur. C'est là que c'est difficile. C'est le principe de plaisir. Et moi, c'est la question que soulevait à la fois... Pierre, ouais. On ne peut pas reconstituer le public, et là, c'est la question que soulevait Zoé sur le public, c'est finalement, est-ce qu'on fait quelque chose qui va plaire au public, enfin, même si le public et le chercheur aiment les dinosaures à plumes, mais est-ce qu'on va chercher quelque chose qui plaît au chercheur, quelque chose qui plaît au public ? Est-ce qu'on peut pas construire une utopie d'un est-ce qu'on peut construire une utopie d'un public qui serait éduqué, éducable par le chercheur, enfin tu vois, parce que il y a eu cette question en fait. Moi, je prêche pas du tout pour la reconstitution, mais je constate que ça a été tellement efficace pour la musique, cette idée de refabriquer à partir de la recherche. Ouais, mais les mises en scène sont elles pas du côté de la reconstitution. Bah ça dépend. Est-ce que non, il pourrait pas y avoir les deux hypothèses ? Soit on essaye de faire comme au 17e et on voit ce que ça donne. Sur l'horreur, par exemple, c'est très intéressant. Soit on fait une autre proposition. Soit on se plante complètement parce que le public capte absolument rien. Soit on fait des propositions, mais effectivement, qui n'ont rien à voir. Ouais. Bah là, c'est le croisement aussi du travail de Claude Calame d'un côté, de Philippe Brunet de l'autre, sur la reconstitution de ce que pouvait être la théâtralité grecque et la pratique grecque du spectacle. Il y a aussi un problème, c'est depuis, mais moi y compris, depuis tout à l'heure, on emploie le mot public, qui est un mot monolithe, qui, dès le départ, fausse les données de la recherche, puisqu'il ne s'agissait pas d'un public, mais de spectateurs tous aussi divers et variés que de nos jours, peut-être même plus. Et donc, l'utopie dont tu parles est effectivement... une utopie vouée à l'échec, parce que non seulement on ne peut pas reconstituer un public en 2012 d'une pièce qui vient d'être jouée, c'est impossible si on voulait, tout en ayant ce public-là, en assistant à la mise en scène, si on voulait ensuite, à partir des traces que laisse cette mise en scène, on ne serait pas capable vraiment de savoir ce que pensait le public, entre guillemets. Puisque voilà, 30% vont partir en insultant les acteurs sur scène, 60 vont rester, 10 vont s'endormir et quelques-uns vont applaudir. Donc Et c'était forcément comme ça à l'époque aussi. Oui, mais en fait, mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi aujourd'hui, enfin, qu'il y a de plus en plus un travail justement sur les publics. Enfin, moi, je pense au dernier spectacle de Harpa Chilling que vous avez peut-être vu à Chaillot, où il y avait tout un truc sur les Roms et blabla, et donc une sorte de manière d'interroger à un moment le public. Et chaque soir, en fait, moi, j'y suis allée un soir, je me suis dit, ce public est atroce, le pauvre homme est une Vénus autantoque moderne, c'est épouvantable. Et le lendemain, pas du tout, il y avait un public vachement évolué, qui a dit, mais c'est scandaleux d'avoir mis ce pauvre type là. Du coup, on l'expose aux yeux de la scène et on le transforme en objet spectacle alors qu'on en fait un animal dans un cirque. Et en réalité, je trouve intéressant de voir qu'il y a tout un travail de recherche justement qui vient de dramaturges qui viennent contrecarrer dans le fond une sorte d'uniformisation du public à laquelle ont abouti, je crois, et les théoriciens du XVIIe, peut-être aussi un peu les metteurs en scène modernes dans une certaine mesure, avec l'idée d'une sorte de public qu'on a. Enfin, moi, le sentiment qu'on a une sorte d'air du metteur en scène qui aboutit à une ère d'un public idéal qu'on aurait constitué. Et que du coup, il y a un travail aujourd'hui pour essayer de la part d'une sorte de jeune metteur en scène, pour essayer de montrer justement la diversité des spectateurs au dépôt, une sorte d'uniformisation du public de théâtre subventionné. Oui. Enfin, en même temps, pas toujours. Si on pense toujours à Chaillot, à Vincent Macaigne, ou à Hamlet de Vincent Macaigne, là, on est complètement dans la reconstitution d'un public. Alors là, on est vraiment dans le spectaculaire, quoi. Oui, mais un public qui est variable chaque fois. Qui varie à chaque fois, mais enfin, avec le public qui crie, avec. Ouais. À Avignon, ils n'étaient pas prévenus. À Chaillot, ils sont prévenus déjà. Oui. Donc, ils sont. Enfin, moi, j'étais pas prévenue. Ah, mais t'étais pas prévenue. Mais bon. Si tu avais lu ton monde, ton livre, ça, t'aurais été super prévenue. Je pense qu'il y avait déjà. Non, mais c'est à dire que j'étais un bon spectateur parce que j'avais pas lu ce qu'il fallait lire avant. Vous pensez au public du 17e à 18e, un public surtout d'abonnés. Donc, c'est toujours le même public qui assiste plusieurs fois, voire à toutes les représentations. Voilà. C'est déjà une autre façon de fruition. Donc, ça ne pose pas les mêmes questionnements du public contemporain, qui en général, à une fois, échange à chaque spectacle. Donc, il y a effectivement une certaine homogénéité, ce n'est pas peut-être une homogénéité, quoique, à mon avis, est aussi une homogénéité sociologique, mais il y a un rapport avec les publics qui est différent. Même, je pense parce que le public de l'époque, en fait, c'était, enfin, être public, il s'agissait aussi d'une sociabilité. Donc à l'époque, le public était au théâtre, les lumières étaient allumées, donc c'était vraiment, je pense que c'était une autre fruition par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. De sociabilité différente à chaque fois. Donc c'était vraiment une sociabilité. Bah, en France, notamment en Italie, donc les loges étaient des lieux de rencontre, de jeux, et des spectacularisés de la partie du public. Donc le public allait voir le spectacle. Tout le 19e. Notamment l'opéra, mais pas seulement. Mais maintenant, se faire voir, donc c'est pas un hasard que voilà, les loges, le roman de théâtre à l'italienne était fait comme ça. C'est une origine pour mettre en scène le public. De se faire voir, donc de créer en même temps un spectacle eux-mêmes. Donc, ce qui nous amène aussi, je pense, à s'interroger sur la sociologie. Donc, on va vraiment dans ce discours-là du public. Donc, c'était les voix, les sons, les gestes du public. C'était aussi des sons qui s'est partagé entre eux, c'est-à-dire entre dans le public même. Et ça, peut-être, dans le public dans le spectacle. Ça peut s'apercevoir dans les traités, donc comme source ultérieure pour s'interroger sur ces domaines, et notamment les premiers traités historiques de Luigi di Bologna, et notamment, je ne me trompe pas sur la réflexion historique, où justement il parle beaucoup du public, il met un rapport, le public italien qui fait plein de. C'est ça qui l'intéressait aussi. Et le public français, donc ça nous ramène peut-être un discours sociologique qui va être vu, par contre, de mon point de vue, et du point de vue du 18e siècle ou du 17e siècle, elle ne dit pas par le nord. Voilà. J'ai une autre question, mais je ne veux pas mon autre vision. Non, mais j'allais dire que c'est très intéressant, cette idée de son construit. Je me dis que ça va vous intéresser, j'imagine que ça sera un des axes de votre recherche dans votre colloque. Ces sons construits par le spectateur qui précisément construit le son spectacle à destination des autres spectateurs. Et c'est pas qu'au XVIIIe siècle, je veux dire, dans les scènes, les salles actuelles, on sait très bien quel type de réaction construite provoque une monstration, une exhibition de la violence, etc. Donc, Ça, c'est vraiment quand même maintenant, il y a eu voilà, un héritage de ça et d'un public qui se construit en public et qui se construit en public qui réagit. Même dans les scènes contemporaines, je veux dire, se lever ostensiblement, partir oui, quand Bond écrase le bébé oui. contre le bouclier. Voilà, c'est quand même, ça fait partie du spectacle et on va au spectacle pour voir pour ça. Pour faire aussi. Ça. Donc, Mais même le foyer, bien sûr, on voit bien, c'est une façon pour le public de se mettre lui-même en spectacle. Donc, c'est vraiment des codes qui se déclenchent. Oui, tout à fait. Voilà, les codes. Mais je pense que. Évidemment, vous parliez du risque de fondre le public. Enfin, moi, soigneusement, je parlais de spectateurs, mais en même temps, le risque aussi pour nous, c'est de, notamment avec une approche sociologique, c'est de tellement éparpiller qu'on croit qu'on ne peut rien en dire. Mmh. Et moi, j'aimerais faire le pari que, non de reconstituer un public, mais simplement le pari qu'on peut trouver des choses qui nous expliquent comment. Face au spectacle, le spectateur se sent appartenir à un public ou non, et comment ? En vertu de quoi ? Voilà. D'Hélène Merlin aussi. Bah complètement, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que dans sa tête, il va se lever parce qu'il montre quelque chose, parce qu'à ce moment-là, il est public, critique, esthétique, absolument légitime. Et en fait, c'est pour ça que le terme, l'expression « la voix du public », on a intitulé comme ça notre colloque, parce que de toute façon, entre 17e et 18e siècle, émerge ce sens métaphorique de la voix du public comme légitimité critique. Et donc, je pense que c'est pas... On peut, à ce moment-là, oser parler public, parce que si on en reste, ah bah oui, mais évidemment, c'était une femme, et puis elle était triste, et puis à côté, il y avait un voisin très riche, et puis de toute façon, ça, c'est la cinquième fois qu'il allait le voir. Enfin, il faut prendre ça en compte, mais ce qui est dur pour nous, c'est d'être attentif à ça, tout en gardant l'envie de voir des dinosaures à plumes, quoi. Parce que non, mais parce que sinon, je pense que ça va être le mot de la fin. C'est le plus beau. Peut-être peut-on continuer la discussion dans les couloirs ou dans la rue ou autour d'un pot. J'en profite pour rappeler que Sarah Nancy reviendra puisque elle sera également l'invitée de Clotilde Touret dans la séance assurée par Clotilde. Merci à vous. Merci à vous.